Aller. To go. Je vais. I go. Je vais à la banque. Vous allez. You go. Vous allez au restaurant. Il va. He goes. Il va au théâtre. Nous allons. We go. Nous allons à la gare.